Uma walude. Un autre dont tu connais le name. J'arrive plus à marcher, rétention d'eau. Donc je pète le haut. Je suis pas à l'aise dans vos jeans. Donc je pète le legging. Faut commenter mes chagrines. Donc je fais plus de story. À chaque fois que je maille, je prends du poids. Donc je vais prendre encore 100. Mon petit yeah. faut mailler. En plus, elle est grosse. Oh merde, elle est moche. En plus, elle est grosse. Je rajoute des kilos, j'piave, je veux pas de consigne. Patate en rap, sa mère. Comme à la cantine. T'es dans les pommes, sa mère. Comme à la cantine. Digo, j'ai donné. Et même un fenouil qui peut pas me lever. Et quand mon bidon se vénère. Et même un fenouil qui peut pas me lever. J'fais la malle dans la graille. Moi, c'est deux viandes minimum. Mon estomac, c'est le garage. Moi, c'est deux viandes minimum. Oh merde, il est gros, en plus, il est moche. Oh merde, il est gros, en plus, il est moche. Allez les gros. Mais je n'ai jamais vu gros. Même moi, mais je sais plus quoi faire. Je suis une boule de viande. Boule de neige, bang.